grand baobab. Une fille formidable est en train de faire la sieste. Et tout en bas du baobab, une tribu de minables épie ses mots et ses gestes. En pensant qu'elle saverait là, enfin ça nous changera des indigènes indigestes. Sûr qu'avec un bon thermostat, on va se lécher les doigts, il n'y aura pas de reste. À table en se disant c'est fatal, elle va tomber, elle est quitte. Tout autour du feu bien à l'aise, il prépare la mayonnaise et le bouillon qui crépite. En se demandant qui aura le blanc, la cuisse ou le bras, quand grillera la petite. La jungle a tremblé, on vient d'entendre passer un hurlement formidable. Ah, tous les animaux du quartier s'enfuient de tous les côtés et tout le monde détale. Et Tarzan arrive par les toits, il va rejoindre là-bas sa fiancée endormie. Comme la belle au bois dormant, il la réveille en chantant sa chanson la plus jolie. Se pavane.